Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des Sciences, émission Grand Portrait, dédiée aujourd'hui à Annie Cazenave. Ce qui caractérise Annie, c'est un mot que je vais utiliser, qu'il faut prendre comme un grand compliment, c'est une simplicité, une chaleur humaine, une gentillesse et une grande savante. Ces qualités humaines, pour moi, dominent. Et aussi, elle a su, avec simplicité, mettre en avant des sujets très intéressants qui ont fait sa notoriété à l'échelon mondial. Simplicité et humanité, ce sont ces mots qu'évoquent spontanément les proches de notre invitée. Une femme scientifique de renommée internationale, mais qui a toujours préféré la discrétion à la pipolisation. Spécialisée en géodésie et océanographie spatiale, Annie Cazenave est chercheure au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, à Toulouse. Membre de l'Académie des sciences et membre du GIEC, elle est aussi ingénieure émérite au CNES, Centre national d'études spatiales, et elle a reçu tout récemment le Grand Prix de l'Académie d'Occitanie qui vient s'ajouter à une longue liste de distinctions. Malgré sa discrétion naturelle, elle compte parmi les acteurs internationaux de la réflexion sur le changement climatique et l'évolution de notre environnement. Et c'est pourquoi nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui. Elle est l'auteure notamment du livre « La Terre vue de l'espace » édité chez Belin dans la collection Pour la Science, et également du livre « La Terre et l'environnement observé depuis l'espace », sa leçon inaugurale du Collège de France parue chez Fayard. Une occasion en tout cas de mieux cerner son terrain de recherche, la géodésie spatiale, et d'entrer plus avant dans son univers personnel et professionnel. Une émission émaillée d'interviews réalisées par la reporter Céline Duchesnay auprès de proches de notre invité, et avec également quelques archives sonores de l'INA dénichées par Anaï Morales. Annie Cazenave, aujourd'hui, dans la Marche des Sciences. Annie est une amie que je connais depuis 45 ans. Nous avons débuté ensemble. Alors, nous avons débuté toutes les deux dans un sujet qui s'appelait la géodésie. Pour ceux qui ne savent pas, la géodésie, c'est un petit peu la mesure de la Terre. Et avant que le spatial existe, bien la Terre, c'était des morceaux qu'on raboutait plus ou moins bien. Et l'espace a permis de donner une unité. L'espace a permis de regarder la Terre de l'extérieur. Et donc, on a commencé par faire des mesures de distance. Et Annie a évolué aussi dans ce domaine en s'intéressant après à l'océanographie. Et puis ensuite, elle a évolué vers la climatologie. De par toutes ses compétences, en son de sa gloire, participe à plein de réunions et d'organismes pour faire avancer la science. Voilà. Bonjour Annie Cazenave. Bonjour. Alors on vient d'entendre la voix d'une de vos amies, hein, vous l'avez reconnue forcément, il s'agit de... Anne-Marie Mingui. Voilà, oui, qui est... Une grande amie et aussi une grande scientifique. Et donc vous connaissez depuis 45 ans, haute conseillère à l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherches Aéronautiques, vice-présidente de l'Académie de l'Air et de l'Espace, et donc cette amie qu'on va retrouver tout au long de l'émission qui vous est consacrée, Annie Cazenave. Elle parlait aussi de cette volonté de faire avancer la science, c'est comme ça que vous vous représentez dans votre rôle? Pas vraiment, moi je pense que ce qui m'anime c'est la passion. La passion de la découverte en général, en fait. On vit sur une planète qui est un petit point dans un grand univers. Oui. Pourquoi on est là? Comment évolue cette planète? Comment évolue l'humanité? Ce sont des questions qui m'ont toujours animée. Mon moteur n'est pas de vouloir faire avancer la science, mais de contribuer à mieux comprendre cet environnement, au sens très large, dans lequel on vit. Et alors, je disais au début de cette émission, Annie Cazenave, que vous êtes donc spécialisée en géodésie et océanographie spatiale. Alors, la géodésie, il faut peut-être tout de suite éclairer nos auditeurs, c'est quoi? Ah oui, la géodésie, c'est un mot un peu barbare. En fait, la géodésie, c'est l'étude de la forme de la Terre, La Terre est globalement ronde, mais enfin, pas tout à fait. Et puis, elle a une gravité, un champ de gravité, comme tout corps d'ailleurs dans l'univers. Et elle tourne sur elle-même. Et donc la géodésie, c'est ça, c'est l'étude de la forme de la Terre, de sa gravité, de sa rotation, de ses dimensions, etc. En utilisant donc des techniques spatiales en sciences de la Terre ? Alors en utilisant effectivement des satellites, on a compris beaucoup de choses sur la forme de la Terre, sur la gravité de la Terre. Peut-être s'il est intéressant de rappeler, c'est qu'avant le lancement des premiers satellites artificiels, dans les années 50, début des années 60, on savait quasiment rien sur la forme de la Terre. On savait juste que la Terre était aplatie. Ce sont les Grecs, dans l'Antiquité, qui avaient déjà découvert que la Terre était ronde. Mais il avait fallu attendre Newton, au XVIIe siècle, pour savoir que la Terre était aplatie. Et en fait, confirmation un siècle plus tard, grâce aux expéditions en Laponie et au Pérou, oui, organisées par l'Académie des sciences. On avait la confirmation que la Terre était aplatie. Et puis, jusque dans les années 50, on ne savait rien d'autre. Et on a découvert beaucoup de choses grâce aux satellites. Et compris pourquoi, justement, elle n'était pas aussi régulière qu'on pouvait l'imaginer. Alors, vos recherches croisent plusieurs disciplines, hein, la géodésie, la géophysique, l'océanographie, l'hydrologie. Et on se rend compte dans votre parcours, Annie Cazenave, que l'étude de la rotation de la Terre donc, vous a amené aux océans. Alors, première question quand même, comment est-ce que vous êtes tombée dedans ? Est-ce que, dans l'enfance, il y a quelque chose qui vous a amené à ce terrain des sciences ? Alors oui, je crois depuis toujours, je suis les hasards de la vie ont fait qu'en fait je me suis plus intéressée à la planète Terre qu'à l'univers. Mais d'abord quand j'étais enfant, l'archéologie m'intéressait beaucoup. Et puis après, au moment de mes études, j'avais vraiment envie d'être astronome. Puis après, les hasards de la vie ont fait que j'ai été recrutée par le Centre National d'Études Spatiales, qui était encore jeune à cette époque. C'était à la fin des années 60, début des années 70. Et là, eh bien, l'objectif, c'était plutôt d'étudier la planète. Et donc, j'ai trouvé ça aussi très passionnant. Moi, j'ai l'impression que quand on est animé par cet esprit de science, recherche, etc., quel que soit le domaine dans lequel on travaille, ça aurait pu très bien être la biologie. Je pense que c'est un état d'esprit et quel que soit le domaine dans lequel on mène ses recherches, on est obligatoirement passionné. Mais alors, vos parents étaient scientifiques ? Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Mes parents étaient simplement commerçants. Et donc cette passion, elle est venue de vous, pas forcément d'une rencontre. Sans doute. Oui, pas forcément un enseignant ou qui vous aurait... Alors un petit peu quand même, oui. Ouais. Je dois dire que, comme c'est souvent le cas, j'ai eu un professeur de mathématiques en classe terminale qui m'a fait adorer les mathématiques. C'est pas pour autant que je suis devenue chercheur en mathématiques. Je crois que j'en aurais pas eu les capacités. Ouais. Mais les mathématiques et les sciences en général, ça a été vraiment une révélation. Alors vous faites un doctorat de troisième cycle en astronomie fondamentale hein, à Paris, donc 1969. Le doctorat d'État en géophysique à Toulouse en 1975. Donc ces études, effectivement, et on vous sent proche de ce monde de l'espace, des étoiles. Et puis il y a des rencontres quand même professionnelles et humaines. Et justement, on vous propose d'écouter la voix de quelqu'un qui a beaucoup compté. Il se confie au micro de Céline Duchesnay. Annie, donc depuis 50 ans. Nous avons eu des liens d'amitié avec tout un groupe. Nous avons fêté ensemble les noces d'or de l'amitié. J'ai eu la chance de pouvoir la recruter dans mon département en 1965. Elle a transcendé l'ensemble de l'équipe. Elle a transformé l'ensemble de l'équipe. Alors là, c'était la voix de Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, quelqu'un qui a compté et qui compte toujours beaucoup pour moi. C'est quelqu'un d'extraordinaire, sur le plan humain d'abord. Je pense que tous les gens qui ont eu la chance de travailler avec lui ne l'oublieront jamais. Et c'est lui qui m'a recrutée au CNES et avec qui, pendant de nombreuses années, on a joué un petit peu le rôle de pionnier dans cette discipline qui est la géodésie qu'on a évoquée tout à l'heure, qui a démarré en France à cette époque-là. Parce que lui est un des membres fondateurs, on peut dire, de cette discipline. Tout à fait, hein, tout à fait. Avec un parcours incroyable, il était marin au long cours. Voilà, il était capitaine au long cours et c'était un amoureux des océans. Ensuite, il était aussi un amoureux des étoiles. Donc il a, je me souviens plus bien les détails, mais il a fait un stage à l'Observatoire de Paris et puis pour des raisons que j'ai oubliées aussi, il s'est retrouvé au CNES peu de temps avant moi et voilà, et on a mené une aventure inoubliable avec lui et quelques autres. On a été un peu les premiers à calculer ces orbites des satellites artificiels qui sont pas du tout des trajectoires régulières, mais qui sont extrêmement perturbées par justement la forme de la Terre qu'on évoquait tout à l'heure, la gravité de la Terre et plein d'autres choses. On a essayé de comprendre quelles étaient les origines de ces perturbations et tout ça, ça nous a amené à comprendre un petit peu la structure interne de la Terre, tout un tas de découvertes et ça a été une aventure extraordinaire. Et puis, Michel Lefebvre, c'est aussi le père de l'océanographie spatiale en France, mais je dirais dans le monde aussi. Il a tout de suite entrevu que en lançant des satellites, on pouvait étudier l'océan, étudier la dynamique de l'océan, c'est-à-dire les courants marins, les grandes perturbations qui animent l'océan, comme les phénomènes El Niño, etc. C'est un visionnaire. Il entrevoit plusieurs années, plusieurs décennies à l'avance, ce qu'on pourrait faire dans tel ou tel domaine. En même temps, c'est un poète et une personne aux qualités humaines tout à fait exceptionnelles. Alors, il parlait de votre don du travail en équipe, Annick Aznavs. On va justement se tourner à nouveau vers votre amie Anne-Marie Mingui pour en savoir un petit peu plus sur vos débuts. On débutait toutes les deux, donc on était des petites. On est arrivées au CNES en même temps. Quelle année ? 69, par là, vous voyez, donc on débroussaillait. Mais on avait conscience, si vous voulez, d'être dans une grande aventure qui débutait. Donc on travaillait à ce moment-là, et puis il s'est trouvé que les gens ont décidé de créer le groupe de recherche et de géodésie spatiale, à la tête de laquelle ils ont placé Michel Lefebvre, qui avait vécu déjà une vie de marin, qui avait été aux États-Unis, qui savait porter aussi, valoriser la science et les découvertes. Enfin, c'est une aventure dans le sens où on défriche. Personne n'avait encore essayé de faire des choses dans ce domaine. Donc on était là, on se retrouvait avec... l'exploit, ça avait été de lancer, de mettre à poste des satellites, de lancer... C'est-à-dire, quand je dis mettre à poste, c'est un jargon du métier, c'est mettre sur une orbite un satellite. Mais qu'est-ce qu'on allait faire de cela? Et je pense qu'on n'imaginait pas qu'on pourrait... à quel point on allait pouvoir tirer des résultats scientifiques importants de tout cela. Les satellites permettent de regarder la Terre de l'extérieur. Parce que maintenant, tout le monde utilise son GPS. Et personne n'est surpris qu'on sache à 100 mètres près où on est. Or, c'est les satellites qui permettent de faire ça. Et il y a derrière tous ces travaux, des travaux scientifiques des géodésiens du monde entier qui ont permis d'obtenir ces résultats. Et donc, on découvrait en marchant. France Culture. La marche des sciences. Aurélie Luneau. Découvrir en marchant. C'est formidable aussi quand même de vivre ça, Annick Aznavs. C'est de se dire que tout est entre vos mains et en même temps, bon, on oublie que dans ces moments-là, il n'y avait pas forcément les outils techniques d'aujourd'hui pour analyser. Anne-Marie Mingui parlait aussi, en se confiant à Céline Duchesnay, des bacs à cartes, où il y avait des bacs à cartes et qu'on n'avait pas tous ces outils aujourd'hui qui facilitaient le travail, qu'il ne fallait pas perdre les cartes. Enfin, c'était quand même, c'était artisanal. Oui, tout à fait. Et il est arrivé que les bacs à cartes, des bacs en fer qui contenaient des milliers de cartes perforées tombent. Ah. Et là, c'était la catastrophe. Il fallait les reprendre, les ramasser une à une, les remettre dans le bon ordre. Sinon, on n'était pas capable de calculer l'orbite de tel ou tel satellite. Oui, c'était une époque que j'ai un peu oubliée, faut bien dire, mais... Parce qu'on passe vite à l'informatique et à la souplesse des moyens techniques d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, combien de satellites en orbite aujourd'hui, en gros, autour de la Terre, Annick Aznavs ? Il y en a des milliers. Je n'ai même pas le chiffre en tête. Il y en a des milliers. Avance souvent le chiffre de 3000, mais... Oui, voilà, il y en a des milliers. Il y en a qui regardent la Terre Et ceux-là, ils sont très importants parce qu'ils nous renseignent sur tout un tas de phénomènes relatifs à la planète et son évolution, sur les activités humaines, et le changement climatique. Et puis, il y en a qui regardent vers l'extérieur et ceux-là sont aussi très importants parce que c'est grâce à eux qu'on découvre la structure des étoiles, la galaxie, les galaxies, etc. Et puis, il y a les sondes qui s'en vont de la Terre pour explorer le système solaire. Et là, c'est aussi quelque chose, une aventure passionnante. Quand on regarde tout ce qu'on a appris sur notre système solaire, sur les planètes telluriques, les planètes externes, les satellites des planètes géantes, c'est absolument fabuleux. Alors vous êtes parti de l'observation de l'espace, hein, mais qui en quelques décennies va prendre une importance incroyable dans notre quotidien. Et puis donc ce constat que la Terre est vivante, qu'elle subit des évolutions naturelles et d'autres liées aux hommes. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission, bien sûr. En tout cas, que la Terre est un ensemble de systèmes dynamiques, hein, en interaction les uns avec les autres. D'où l'observation de la Terre à partir des satellites dédiés. Alors les premiers lancés d'ailleurs lors de l'année géophysique internationale, hein, 1957-1958. Hein, la fin des années 50, c'était ça. Mais il faut quand même dire que les premiers satellites lancés par les Soviétiques et les Américains n'avaient pas du tout vocation de recherche, pas du tout une vocation scientifique. C'était vraiment pour la guerre froide, des enjeux stratégiques dans le contexte de la guerre froide. Oui. Mais il se trouve que ces premières missions ont toutes eu des retombées scientifiques absolument inattendues. Le satellite américain Explorer 1, lancé en début 58, a permis de découvrir les ceintures de Van Allen. Ce sont les zones de la magnétosphère qui piègent les particules qui viennent du soleil ou des rayons cosmiques. Et puis après, une sonde soviétique, je crois que c'est en 1959, a permis pour la première fois de photographier la face cachée de la Lune, a pris des images de la Terre et de la couverture nuageuse qu'on n'avait jamais vue de loin. Puis d'autres satellites dans les années qui ont suivi. Et vous-même, vous vous retrouvez à travailler d'ailleurs sur le lancement d'un satellite en particulier franco-américain, le Topex Poséidon. Alors ça, c'est beaucoup plus tard. C'est au début des années 90. Ah, oui. Mais entre-temps, on a eu effectivement des tas d'autres satellites sur lesquels on a pu s'exercer, travailler. Et un satellite américain qui s'appelle CISAT, qui a été lancé en 1978, et dont l'objectif était déjà d'étudier l'océan, la dynamique de l'océan, les courants marins, etc. Le problème, c'est que ce satellite qui a embarqué un radar altimètre n'avait pas la précision de mesure suffisante pour mesurer les courants marins. En revanche, ce que ce satellite nous a fait découvrir, et ça c'était réellement une découverte, personne n'imaginait que la topographie de la surface de la mer permanente, celle qui n'évolue pas avec le temps, n'était pas du tout plane. La surface de la mer, c'est fait de creux et de bosses permanents qui sont une image de la topographie des fonds marins. Et ça a été une découverte absolument sensationnelle. Et que l'on vous doit notamment à Nicolas. J'ai participé, alors, il y a des équipes, je ne suis bien pas sûr la seule, mais j'ai participé à ces découvertes. Il y a des creux, des bosses. Au-dessus d'un volcan sous-marin, eh bien, on a une bosse de la surface de la mer de plusieurs mètres. Au-dessus d'une fosse océanique, comme la fosse des Mariannes, la fosse des Tonga, il y a un creux. Et en fait, c'est en cartographiant ces creux, ces bosses avec l'altimètre à bord de ce satellite, on a pu établir une image de la topographie des fonds marins. Et c'est comme ça qu'au milieu des années 90, un groupe aux États-Unis et un groupe en France auquel j'ai participé ont établi les premières cartes globales à haute résolution de la bathymétrie sous-marine, de la topographie des fonds marins. Alors, en quoi ça a été une révolution? Parce qu'on imagine que ces données ont pu changer, ou ne serait-ce que peut-être la vie des marins, mais en quoi au quotidien ça a vraiment apporté quelque chose? C'est une information extrêmement importante, parce que jusque-là, eh bien, la topographie des fonds marins n'était connue que par mesure sonar à partir de bateaux, essentiellement le long des grandes routes commerciales, avec plein de trous, bien sûr, en particulier dans l'hémisphère sud. On ne savait rien dans l'hémisphère sud. Il y avait des cartes qui existaient, mais qui étaient en fait des vues de l'esprit. Et grâce à ces mesures par satellite, on a eu pour la première fois, avec une résolution de quelques kilomètres partout sur tout le domaine océanique, la topographie des fonds marins avec une très très haute précision. On a ainsi découvert des milliers de montagnes sous-marines qui n'étaient absolument pas connues, ou d'autres qui étaient connues mais mal positionnées. Et puis plein de structures liées à la tectonique des plaques, aux limites entre les plaques, qui ont permis d'apporter des informations aussi extrêmement importantes dans la théorie de la tectonique des plaques. Ah oui, et puis de mieux comprendre aussi peut-être la circulation des courants à l'échelle de la planète. Alors ça, c'est arrivé après. Oui. Il a fallu attendre entre les premières missions altimétriques au milieu des années 70 et les premières missions altimétriques dans les années 90, ayant une précision de mesure suffisante pour mesurer les courants marins, il a fallu attendre plus de 20 ans, à peu près 20 ans. Parce que la dynamique de l'océan, les courants marins, les vagues, les marées océaniques, ont une amplitude beaucoup plus petite que ces creux et ces bosses permanents liés à la topographie des fonds marins. Donc pour atteindre ce signal océanique, il faut avoir une précision de mesure tout à fait exceptionnelle. Et entre les premières missions altimétriques dans les années 70, avec une incertitude sur la mesure de l'ordre de 50 cm à 1 mètre, jusqu'à la mission Topex Poséidon lancée en 1992, eh bien, on a gagné un facteur 100 dans la précision de la mesure. Aujourd'hui, on est capable de mesurer la topographie de la surface de la mer avec ses deux composantes, la composante permanente et la surface liée à la dynamique de l'océan, avec une précision de 1 cm, 1 à 2 cm. Et ça, grâce à un système de positionnement d'ORIS, on peut le mentionner, mis au point par le CNES et le LEGO, c'est qui a permis d'atteindre cette précision. Et la France est en pointe quand même. Tout à fait. Ça a été effectivement d'ailleurs un projet qui a été imaginé par Michel Lefebvre, d'avoir ce système d'ORIS permettant de mesurer avec une précision accrue la position du satellite dans l'espace, d'améliorer donc l'orbite du satellite, puisque c'est une composante majeure de ce système altimétrique. On a la mesure radar qui permet d'avoir l'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer, mais ça, c'est pas suffisant pour avoir la hauteur de la mer par rapport à une référence fixe. Il faut aussi connaître la position du satellite dans l'espace. Donc, l'orbite. Et jusque-là, ce qui limitait finalement la mesure de la dynamique de l'océan, c'était la méconnaissance de l'orbite. Et avec ce système d'ORIS, effectivement, on a été capable d'améliorer de façon absolument spectaculaire la précision de l'orbite du satellite et donc d'aboutir à cette précision de mesure de hauteur de mer de l'ordre du centimètre, niveau centimétrique aujourd'hui. Alors quand on vous demande, Annick Aznavs, dans cette aventure, si vous avez des modèles, en général vous dites non. Alors on sent que Michel Lefebvre fait partie quand même de ses mentors et de ses références, mais vous n'avez pas forcément des personnages qui vous fascinent ou le mot modèle, c'est pas pour vous, hein, je crois. Non, mais est-ce que c'est grave? Non. Il y a beaucoup de personnes que j'admire et de grands scientifiques que j'admire, auxquels je n'ose même pas me mesurer, mais des modèles, non, pas vraiment, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un défaut. Oh non, pas du tout. Et justement, on va vous en proposer un quand même. Allez, un personnage qui peut-être vous fascine, on va en savoir plus tout à l'heure, mais c'est celui d'une femme dont je vous laisse découvrir l'identité à travers ce témoignage laissé le 26 octobre 1967 dans l'émission Madame Inter. C'était une petite ombre très frêle, très pâle, mais qui passait absolument tellement silencieuse et que l'on ne l'entendait pas venir. Elle avait les yeux de quelle couleur? Il est très difficile de dire la couleur de ses yeux parce que nous ne sommes pas du tout d'accord sur la couleur de ses yeux. Et je crois que ceci venait en grande partie de ce qu'elle avait d'épaisses lunettes. Oui. Elle avait eu les yeux très atteints par les rayons. Et d'autre part, sa physionomie était tellement variable et l'expression de ses yeux tellement différente suivant les cas, que cela explique, je crois, à mon avis, tout à fait la diversité d'opinions que nous avons sur la couleur de ses yeux. Les uns disent gris, les autres disent noisette, mais de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'elle était avec des importuns, elle avait un visage d'une pâleur mortelle, mais que si il y avait un résultat expérimental qui était bon, qu'il y avait de beaux cristaux qui étaient formés au cours d'une réaction. Elle quittait tout, même pour venir voir, jouir. Et alors à ce moment-là, son visage s'illuminait complètement, des yeux pétillant de malice, d'intelligence et de joie, et c'était une opposition totale entre les deux femmes. Alors, Annie Cazeneuve, est-ce que vous avez deviné ces personnages? Je pense que c'est Marie Curie. Exactement. Et on entendait l'interview de Marguerite Perret, qui avait été une de ses collaboratrices. Marie Curie, qui est évidemment une personne pour qui j'ai une admiration immense, à laquelle je n'oserais jamais me comparer, évidemment. Ce que je partage avec elle, c'est certainement sa passion pour la science, sa persévérance pour la recherche. Et sa ténacité. Sa ténacité, voilà. Et ça, ce sont des qualités qu'un chercheur doit avoir. Et évidemment, c'est peut-être pas un modèle, mais c'est personne. Elle peut rentrer dans votre panthéon scientifique. Ah, certainement. Alors, on a appris aussi que vous aimiez lire, mais surtout des essais, hein, pas des romans, finalement. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, j'aime pas les romans parce que je trouve que dans la vraie vie, il y a des choses encore plus extraordinaires que ce que l'esprit humain peut imaginer. Je lis surtout des livres à connotation scientifique dans des domaines qui sont pas exactement les miens, parce que j'ai cette soif d'apprendre. Et de découvrir d'autres univers. Dans les univers, domaines, en biologie, l'origine de l'évolution de la vie, l'origine de l'homme, l'évolution de l'univers. Enfin, tout ça, c'est des questionnements normaux, je pense. C'est sans doute assez banal, mais c'est ce qui motive beaucoup mes lectures. Alors, autre passion, la préhistoire, qui remonte à l'enfance d'ailleurs. Hein, fascinée par les fossiles, chercher partout. Ah oui, oui. Les grottes ornées. Et puis, c'est une passion qui ne m'a pas quittée. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Mais dès que je peux aller dans un endroit où je sais qu'il y a des fossiles, bon, alors c'est vrai, des fois, c'est pas tout à fait permis. Donc, je vais peut-être pas insister. Mais c'est une passion. Les fossiles, c'est l'évolution de la vie sur la planète. Après, il y a aussi, dans la continuité, l'évolution de l'homme, qui est une histoire absolument fascinante. Comment, pour ne parler que d'Homo sapiens, en 200 000 ans, on a abouti à l'homme d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je trouve absolument étonnant. Et puis surtout, c'est l'évolution des sociétés humaines depuis 2000 ans, sans doute grâce à un climat assez clément qui a suivi la dernière déglaciation. Et puis cette accélération là depuis un siècle ou deux qui nous dépasse, je pense. Oui, qui pose question. Et on va s'y intéresser. Dans plein de domaines. Exactement, dans cette deuxième partie de l'émission. En tout cas, avant justement de basculer sur ce thème-là, on va vous emmener, alors peut-être pas réaliser complètement votre rêve, je sais que vous aimeriez partir dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, où fut découverte Lucie en 1973. Vrai. On va vous proposer d'écouter la voix de quelqu'un que vous portez haut, justement, Yves Coppens. Oui. C'était dans l'émission Histoire possible et impossible sur France Inter le 20 janvier 2002. Les premiers éléments de Lucie, les premiers ossements, ont été recueillis par deux jeunes gens. L'un était américain et faisait sa thèse sur la faune, sur les animaux. Et l'autre était éthiopien et il prospectait comme nous tous. Et ils ont trouvé les premiers éléments qu'ils ont rapportés au camp. On a reconnu tout de suite que c'était des restes d'hominidés. Et on a donné à cette localité nouvelle le nom de Afar. Localité 288, AL-288. Donc au début, Lucie s'appelait 288. Et puis le lendemain, on est tous allés évidemment sur cette localité nouvelle qui fournissait des restes d'hominidés. Et donc le bassin s'est révélé être un bassin féminin. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris le joli prénom de Lucie parce que, de manière anecdotique, dans le camp, on écoutait des cassettes de Jean-Sébastien Bach, des cassettes de Mozart, des cassettes de Beethoven, et puis aussi des cassettes des Beatles, et puis qu'il y avait sur une des cassettes cette plage de Lucie in the Sky with Diamonds, et du coup, de manière insensible, un petit peu automatique comme ça, 288 est devenue Lucie, et on n'a plus parlé que de Lucie, et Lucie est devenue célèbre à travers le monde entier. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope. just go by. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Et c'est sur cette chanson des Beatles que nous poursuivons la marche des sciences sur France Culture en compagnie de la scientifique Annie Cazenave, spécialiste en géodésie et océanographie spatiale, membre de l'Académie des sciences et du GIEC, et dont les travaux ont montré combien les océans sont une composante importante de la planète et combien le rôle des satellites est crucial, non seulement en matière d'observation de notre planète Terre et de son environnement, mais aussi pour nous permettre peut-être d'agir et de répondre de façon adaptée aux exigences du développement durable, à condition d'être entendu, bien sûr. Alors, on poursuit Annie Cazenave avec quelques confidences qui nous en disent un peu plus sur vous et sur votre passion avec votre amie Anne-Marie Mingui. Nous nous réunissions et au début, nous sommes réunis dans différents pays. Et un jour, on s'est réunis au Luxembourg dans une caserne. Et puis, on a bien travaillé et on est allé passer la soirée au Luxembourg, dans la ville. Et quand on est rentré, la caserne était fermée. Donc vous imaginez des scientifiques qui font le mur pour rentrer dans une caserne. Donc voilà ce genre d'anecdote que je peux vous raconter. Alors il y avait aussi à cette période un personnage très important dans la vie d'Annie, qui était au CNES aussi, dans une équipe proche dans laquelle nous étions, c'était son mari. Et Michel est aussi un homme chaleureux, sympathique, et ils formaient un couple fort uni. Et Michel, pour moi, a aidé Annie à se mettre en valeur. Parce que la discrétion d'Annie fait qu'elle ne sait pas bien se mettre en valeur, mais Michel l'a beaucoup aidée dans ce sens. Alors c'était un petit clin d'œil pour Michel, parce qu'il est parti il n'y a pas très longtemps. Alors, on était peut-être très proches parce qu'on était peu de femmes quand même dans le milieu. Hein, il y avait... il y avait de charmants collègues. Au CNES, il y avait quand même une cordialité, une convivialité entre les collègues masculins et féminins. Mais c'était peut-être pour ça qu'on se sentait plus proches. Et que le temps en temps, on disait, allez, il faut qu'on fasse ça, là, faut pas qu'on se laisse faire. Voilà. Annie Cazenave, oui, elle dit beaucoup de choses dans ses quelques confidences, en tout cas avec cet univers où les femmes en science essaient de faire leur place dans un monde très masculin, et puis un monde dans lequel naviguait aussi votre mari qui était scientifique. Oui, il était ingénieur en fait. Il ne faisait pas de recherche, mais il a participé à différents programmes importants de la recherche spatiale française. Notamment, il a contribué au programme SPOT, d'observation de la Terre. Et puis, plus tard, à la formation, au développement d'une filiale du CNES qui s'appelle CLS, dont l'objectif est de localiser des points fixes ou des mobiles à la surface de la planète, avec différents systèmes, dont le système Argos, qui est bien connu. Eh oui, bien sûr. Puisqu'il équipe, par exemple, les bateaux de la course autour du monde, et beaucoup d'autres choses, des animaux. Un système qui a pu aussi sauver des vies, hein. Faut pas l'oublier. Tout à fait. Faut pas l'oublier. Et avec lui, vous partagez des passions, hein, comme parcourir le monde, parce que, Annie Cazdin, vous n'êtes pas limitée à une zone géographique. Voilà, vous aimez découvrir des cultures, des pays, des paysages, la nature. Pas du tout, oui. Alors déjà, de par mon travail, j'ai eu la chance de, effectivement, parcourir le monde, voyager beaucoup. Et puis par passion, effectivement, à titre personnel, on a beaucoup voyagé. On a beaucoup emmené nos enfants à travers la planète. Vos deux enfants. Et voilà. Parce que s'ouvrir aux autres et aux autres cultures, c'est aussi mieux comprendre la nôtre, hein, et ce monde tel qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, et puis, bon, c'est tout à fait passionnant, effectivement, de découvrir comment les autres à l'autre bout de la planète vivent. Finalement, on s'aperçoit que tous les humains ont les mêmes motivations, les mêmes aspirations. Même si les traditions sont un peu différentes, la culture est un peu différente. Mais au fond, je pense qu'on a tous les mêmes aspirations dans la vie. Mais pas forcément les mêmes façons de réagir face à certains enjeux comme l'environnement, bien sûr. Ça va être notre sujet dans un instant. Mais autre facette de votre personnalité, Annie Cazdin. Et on retrouve Michel Lefebvre qui va nous en dire plus un petit peu sur votre force de travail aussi qui fait la différence. Elle a participé non seulement à l'analyse des données, mais elle a participé aussi à la définition de nouveaux projets. Pour donner un autre chiffre, elle a publié 175 articles, ce qui est absolument énorme. Elle a une densité de travail qui est absolument étonnante. Elle s'est spécialisée dans un domaine que personne ne connaissait, ce qui était effectivement attirant et peut-être difficile. C'est-à-dire que les mesures spatiales, elles n'étaient pas connues. Tout était nouveau. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Une force de travail qui fait la différence. Alors, est-ce que ça rejoint peut-être les propos tout à l'heure d'Anne-Marie Mingui, Annie Cazdin, quand elle disait on était peu de femmes et il fallait qu'on fasse aussi notre trou, oui, qu'on marque la différence. Bon, le fait d'être une femme, je dois dire, ne m'a jamais gênée. C'est vrai que quand on prend conscience que dans beaucoup de réunions, on n'est pas nombreuses, la plupart du temps, on n'y pense pas. Et moi, je dois dire à titre personnel que j'ai pas du tout souffert d'être une femme. Et donc, cela étant dit, une force de travail, mais je pense que tous les scientifiques qui sont passionnés travaillent en dehors de leur bureau, pendant les week-ends, dans les avions, etc. Ça, c'est pas du tout unique. Je pense que on est tous comme ça. Alors, moi, ce qui m'a aussi motivée, si j'ai pas fait preuve de beaucoup de mobilité géographique, je dois le dire, en dehors des voyages, je suis toujours quasiment dans le même bureau depuis plusieurs décennies. Enfin, pas tout à fait. Hein. J'ai peut-être changé de bureau, mais à quelques dizaines ou centaines de mètres d'intervalle. À Toulouse. J'ai changé de thématique plusieurs fois. Bon, ça a été mon souhait, personne ne m'a forcé, mais au bout de quelques années, quand on a l'impression d'avoir un peu fait le tour de la question, on a envie d'aller voir ailleurs. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois, en passant de la géodésie à la géophysique interne, à l'océanographie, aujourd'hui la climatologie, puis l'hydrologie, aujourd'hui aussi. Alors, c'est à la fois extrêmement motivant, parce qu'on découvre des choses nouvelles. C'est aussi extrêmement frustrant, parce qu'on arrive dans une nouvelle discipline où on se dit, il y a beaucoup de gens établis qui ont déjà tout découvert, et nous, avec nos petits moyens, qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau? Mais peut-être ce qu'on apporte de nouveau, c'est un regard un peu différent. Et puis, mon expérience, c'est que ça marche. Oui, parce qu'il faut quand même le signaler, Annie Cazdin. On vous doit le chapitre concernant justement le terrain du réchauffement climatique. On vous doit le chapitre Sea Level du 5e rapport du GIEC, donc le groupe de travail de 2010-2013, avec des constats qu'on peut redonner aujourd'hui. Hausse imparable des niveaux des mers et océans. Alors les chiffres, on a tendance à prendre souvent 2100 comme référence, en sachant que ça ne va pas s'arrêter à 2100. On dit que les niveaux des mers et océans risquent de monter de 50 à 80 cm. cm. Voilà, vous avez travaillé sur ça en tant qu'experte. Oui, n'étant pas océanographe de formation, j'ai trouvé plus difficile de m'investir dans la problématique de la circulation océanique. Et par contre, le niveau de la mer, qui était d'ailleurs, je le rappelle, la mesure du niveau de la mer n'était pas un des objectifs de la mission Topex Océidon, lancée en 1992, parce qu'on pensait à l'époque que, en fait, on ne pourrait jamais, on ne serait jamais capable de mesurer ce signal extrêmement petit. Puis on s'est dit, on va essayer quand même. Et puis à la fin des années 90, avec des collègues comme Jean-François Master, qui est un océanographe, on a commencé à regarder le signal saisonnier du niveau moyen global de la mer. Ce signal saisonnier ayant une amplitude pas très grande, mais pas minuscule non plus. Et donc, on s'est aperçu que c'était mesurable. Alors, on l'a mesuré, puis on a essayé de comprendre pourquoi il y avait un signal saisonnier. On l'a compris. Puis après, on a, au fur et à mesure de l'accumulation des mesures, on a pu disposer, dans les années suivantes, de 10 ans, puis 15 ans. Puis aujourd'hui, on a 22 ans de mesures. Et on voit très bien que la mer monte. La mer monte à une vitesse quasiment uniforme de plus de 3 mm par an. Alors, depuis 22 ans, ça fait presque 8 cm. Et puis surtout, on a découvert que la mer ne monte pas de manière uniforme. Il y a des régions du monde, des océans, où la mer monte 3 à 4 fois plus rapidement, plus vite, que cette moyenne globale. Alors, d'abord, pourquoi la mer monte? Alors ça, les causes aujourd'hui, elles sont bien connues. Oui. Donc, je les rappelle, c'est à cause du réchauffement de l'océan. Et l'autre grande cause, c'est la fonte des glaces continentales. Et aujourd'hui, on est vraiment capable de quantifier ces deux phénomènes parce qu'on dispose aussi de systèmes d'observation qui nous permettent de le faire. Pour le réchauffement de l'océan, c'est notamment le système Argo. Alors, pas Argo, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais Argo. Argo, c'est un programme international qui a été développé au début des années 2000. La France participe. Il y a beaucoup de pays qui participent et qui consiste en des flotteurs automatiques qui couvrent l'ensemble du domaine océanique et qui vont mesurer tous les 10 jours la température et la salinité de l'océan jusqu'à 2000 mètres de profondeur. On a aujourd'hui des observations qui nous permettent de constater que l'océan se réchauffe. En se réchauffant, bien, l'eau se dilate et ça, c'est une des causes de la hausse du niveau des mers. Et puis, on a d'autres systèmes, en particulier spatiaux, qui nous permettent de mesurer la fonte des glaces continentales, la perte de masse de glace des calottes polaires, l'Antarctique et le Groenland, et la fonte des glaciers de montagne. Et oui, ce qui représente quand même 2/3 de la hausse. Voilà, exactement. Et alors, avec de nombreuses, avec de nombreuses zones côtières en danger, parce qu'on oublie quand même que 30 à 50% de la population mondiale vit dans des régions côtières dont l'altitude ne dépasse pas un mètre. 600 millions d'êtres humains qui vivent dans les zones côtières à une altitude inférieure à 10 mètres par rapport au niveau de la mer. En 2050, on s'attend à ce que ce soit plus d'un milliard d'êtres humains. Et donc, effectivement, beaucoup de gens menacés par cette hausse du niveau de la mer. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le futur, comme cette hausse, elle est inexorable, elle va continuer pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, comme le montrent certaines études. Même si on arrêtait demain les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement de la planète et du réchauffement de l'océan, de la fonte des glaces, eh bien, à cause de la chaleur qui est déjà emmagasinée dans le système climatique, en particulier dans l'océan, puisque l'océan, c'est le grand réservoir de chaleur du système climatique, il emmagasine aujourd'hui 93% de l'excès de chaleur liées aux activités humaines. Donc, rien qu'à cause de ça et à cause aussi de la très longue durée de vie de certains gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, qu'on a déjà émis dans l'atmosphère, eh bien, le niveau de la mer va continuer à monter pendant très longtemps. Alors, par rapport à tout ça, Annie Cazenave, donc vous faites ce travail de scientifique, vous, avec les données établies, avec cet état des lieux imparable aujourd'hui. Votre regard peut-être plus personnel, vous dites quoi quand vous faites toutes ces constatations en tant qu'être humain ou citoyen? Alors déjà, je fais ces constatations en tant que scientifique. De manière très objective, on analyse les observations, qu'elles soient faites depuis l'espace ou depuis le sol, et on constate un certain nombre de changements. La température moyenne de la planète augmente, l'océan se réchauffe, les glaces fondent, la mer monte, les événements extrêmes deviennent plus intenses, ils ne deviennent pas plus fréquents. Et en sachant que ce ne sont pas des aujourd'hui... changements naturels, c'est-à-dire il y a la part du naturel, mais on sait aujourd'hui que ce sont les actions, les actes d'hommes qui ont accru le phénomène. Il y a deux causes. Il y a la variabilité naturelle du climat qui a toujours existé, qui existe bien sûr aujourd'hui. Et puis superposé à ça, il y a les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre en lien avec la combustion des énergies fossiles et la déforestation. Oui. Et aujourd'hui, la communauté des climatologues mondiaux a établi de façon quasi certaine que les changements lents que l'on observe sont quand même en lien avec ces émissions de gaz à effet de serre. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et ça, pour en revenir à votre question, ça dépend de ce que vont faire nos sociétés en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en tant que citoyens, de nos comportements vis-à-vis de tous ces problèmes. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin d'énergie pour vivre. On n'est pas prêt à revenir au Moyen-Âge, à s'éclairer à la bougie et à se déplacer en charrette. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'énergie. Peut-être qu'il va falloir trouver d'autres sources d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, je le sais. Et cette transition énergétique, c'est probablement un enjeu absolument incontournable pour les années qui viennent. Pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Si on ne le fait pas, eh bien tout ce qu'on constate aujourd'hui va continuer dans le futur de manière amplifiée, avec forcément des impacts, peut-être quelques impacts positifs, c'est possible. Si on cultive de la vigne en Suède, c'est bien. Cultive le blé en Sibérie, c'est sans doute bien aussi. Mais ce qu'on pense, c'est plus d'impacts négatifs que d'impacts positifs. Et puis surtout, des phénomènes qui risquent de devenir irréversibles. Il y a des études récentes qui ont été publiées qui suggèrent qu'au-delà d'un certain seuil de réchauffement global de la planète, compris entre 1 degré et 4 degrés par rapport au début du XXe siècle, eh bien, la perte de masse de glace au Groenland risque de devenir irréversible. Alors, pas sur une échelle de temps de 10 ans, 20 ans, sur une échelle de temps longue de quelques siècles, mais il faut quand même rappeler que si toutes les glaces du Groenland fondaient, ça ferait une élévation du niveau de la mer de 7 mètres. Et oui, et donc beaucoup d'inquiétudes. Et en tout cas, ça rejoint justement une inquiétude de Michel Lefebvre, qui, à ce sujet, pense à l'évolution aussi des mentalités des hommes et vous pose une question. Annie, on parle beaucoup actuellement de la planète Terre et on dit que les coupables de l'assistance, la planète en danger. Est-ce que nous sommes arrivés à convaincre les décideurs et les politiques de ce danger et à parler un langage qu'ils comprennent? Comment convaincre? Moi, je suis quand même assez optimiste parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2015, il y a réellement une prise de conscience mondiale qui n'existait pas il y a encore quelques années. Il y a une petite dizaine d'années, cette prise de conscience, elle n'existait pas. Dans notre pays, elle existe de plus en plus. Cette année est une année importante à cause de la COP21 qui, je l'espère, malgré les événements récents, va avoir lieu et va aboutir à un accord sur le climat. La grande question, c'est si on décide à l'issue de cette COP21 de réduire les émissions, est-ce que les promesses seront tenues? Donc ça, c'est la grande crainte que l'on peut avoir. Mais moi, je suis assez optimiste. On va dans le bon sens. Peut-être pas aussi vite qu'il faudrait, mais je pense que le système est en marche aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il n'y a pas que le climat qui est en jeu. De toute façon, il y a notre mode de développement qui est à remettre en question. Celui des sociétés occidentales, en voulant toujours consommer plus, développer plus. Et on épuise les ressources agricoles, on épuise aussi les ressources en eau. Il faut savoir que l'eau, elle est abondante sur la planète, mais elle est très mal répartie. Si on pense à l'Asie, par exemple, qui représente 60% de la population mondiale, eh bien, malheureusement, l'Asie ne dispose que de 35% des ressources en eau. Et puis, il y a tous les pays du Moyen-Orient, toute la zone méditerranéenne qui est déjà face à des problèmes de restriction, de limitation des ressources en eau. Donc, on a plein de problèmes à résoudre, nous, l'humanité. Et en même temps, les satellites d'aujourd'hui et de demain peuvent être des outils formidables, justement. Alors, par rapport à ça. Les satellites, bien évidemment, ne résolvent pas les problèmes. Non, mais ils peuvent aider à mieux gérer les ressources. Ils ne font que alerter sur l'évolution du système Terre, du système climatique, de l'évolution des ressources, etc. Mais ils peuvent aussi aider à observer les eaux souterraines, par exemple. Alors, en effet. Et ça, c'est formidable. Depuis une dizaine d'années, on dispose d'un système spatial, enfin, d'une mission spatiale qui s'appelle GRACE, qui a été développée conjointement par les Américains et les Allemands, et qui permet de mesurer toutes les redistributions de masse à la surface de la planète. D'ailleurs, GRACE est très utile pour mesurer la perte de masse de glace au Groenland et en Antarctique. Mais avec GRACE, on peut aussi mesurer la diminution des stocks d'eau dans les aquifères. Et on s'aperçoit que, par exemple, en Californie, dans le bassin du Gange, ces ressources en eau dans les nappes profondes sont en train de diminuer de manière absolument spectaculaire. Pour des raisons qui sont bien connues, puisque ces eaux en Californie, c'est utilisé non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour les besoins domestiques, puisque c'est une région très sèche, avec peu de ressources d'eau en surface. Et dans le bassin du Gange, c'est utilisé pour l'irrigation des cultures, en particulier le riz. Et voilà, et on peut surveiller ces phénomènes depuis l'espace, mais et juste alerter. On ne résoudra pas les problèmes avec les satellites. Non, mais peut-être trouver des zones aussi dans lesquelles on ne soupçonne pas, mais il peut y avoir des eaux souterraines et là faire émerger autre chose, peut-être d'autres points d'agriculture, on ne sait jamais. Alors, il est possible que, effectivement, avec les systèmes spatiaux, alors pas seulement des satellites comme GRACE, mais d'autres types de mesures, des mesures de température, de la surface de la Terre, on puisse détecter des sources souterraines. J'ai des collègues qui travaillent sur ces questions, mais enfin, aujourd'hui, il est peut-être encore un peu prématuré d'en parler. Oui, c'est pour ça que je le disais, demain, en tout cas. Oui, il y a des espoirs. Et puis l'étude de la biosphère terrestre et du cycle du carbone anthropique, aussi l'état des forêts, et c'est tous ces enjeux autour des satellites qu'on ne mesure pas l'espace, forcément. L'espace, ça coûte cher, mais c'est devenu aujourd'hui incontournable, ne serait-ce que pour la vie de tous les jours, bien sûr, dans la navigation, la localisation, les télécommunications, mais pour la surveillance de la planète, c'est aussi quelque chose d'absolument incontournable. Et donc probablement sur cette question du développement durable, en tout cas, ça peut aider. Absolument. Dernière question posée par votre amie Anne-Marie Mingui. Annick, quel sujet aimerais-tu encore décortiquer maintenant ? Je sais que tu es très occupée par des choses qui sont aussi passionnantes, mais qui sont un peu moins scientifiques. Quel sujet scientifique aimerais-tu encore pousser en avant ? Elle vous connaît bien parce qu'elle sait que vous aimez changer quand même de discipline, vous l'avez dit. C'est une question difficile. Je pense que ce problème de l'eau, c'est quelque chose qui me passionne. C'est ici en France, avec quelques collègues, on a initié cette discipline qu'on appelle l'hydrologie spatiale, qui consiste à utiliser des satellites pour suivre l'évolution des ressources en eau. Alors, on a parlé à l'instant des ressources d'eau souterraine, mais il y a aussi toutes les autres surfaces. Et au début des années 2000, on s'est dit que l'altimétrie spatiale qui avait été développée pour étudier les océans pouvait aussi être utilisée pour mesurer, par exemple, les niveaux d'eau des fleuves, des lacs, etc. Et on a commencé de manière artisanale, là aussi, à utiliser ces missions qui n'avaient pas été optimisées pour cet objectif-là. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus opérationnel. Je ne suis pas du tout nécessairement à l'origine de ça. J'ai des tas de collègues qui ont contribué, mais ça a donné lieu au développement, à la décision de lancer des nouvelles missions, comme la mission SWOT, qui est en cours de développement entre le CNES en France et la NASA aux États-Unis, qui sera lancée en 2020 et qui va surveiller l'ensemble des terres émergées, en particulier des eaux continentales, avec cette fois-ci une couverture absolument globale, une résolution au sol de quelques dizaines de mètres, une centaine de mètres, Et ça, je pense que ça va être une vraie révolution dans le domaine de l'hydrologie spatiale et de la gestion des ressources en eau. Merci Annie Cazenave. Là, on entend votre choix musical, valse posthume numéro 17 en la mineur de Frédéric Chopin dans une interprétation de Anne Kifelek. Est-ce qu'il y a une raison peut-être à ce choix en particulier ? Non, pas du tout. J'ai un goût extrêmement éclectique pour la musique. J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup la musique classique, évidemment. Et ce morceau en particulier, je l'aime parce que je trouve la mélodie très, très fine, très délicate et un peu nostalgique. Et je n'ai pas d'autre raison. Je l'aime. On va recommander à nos auditeurs, Annie Cazenave, quelques lectures quand même. Hein. Vos livres, La Terre vue de l'espace, édité chez Belin dans la collection Pour la science. Et puis, La Terre et l'environnement observé depuis l'espace, leçon inaugurale du Collège de France, paru chez Fayard. Et c'est la fin de La Marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci Annie Cazenave. Merci. Merci Catherine Donnet pour la préparation de l'émission, Céline Dechenet pour les reportages et Anaï Morales, qu'on n'oublie pas, pour les archives sonores de l'INA, à la réalisation coup de chapeau à Alexandra Malka et puis à la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Et la semaine prochaine, en partenariat avec Pour la Science, nous plongerons dans l'aventure des Villemorin, l'histoire à rebondissement d'une famille qui a marqué pendant deux siècles l'histoire politique et celle de la botanique du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. D'ici là, demain, autre rendez-vous de Culture Science à 14h, Michel Albergantier, Sciences Publiques, et puis à 15h, Culture Musique, par Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais pour l'heure, les bonnes feuilles, c'est à vous. Bel après-midi à tous.